بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 16 dans l'explication du livre الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة et avec les commentaires et les explications du Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc j'ai mis la photo du cours là, de la page qu'on va commencer aujourd'hui. Et le titre de ce chapitre, parce que c'est un nouveau chapitre, on a fini l'explication du shirk. Maintenant on rentre dans l'explication du kufr. Qu'est-ce que c'est le kufr? Et le cheikh il dit al-kufru kufran. Al-kufru kufran. C'est-à-dire, ça veut dire quoi al-kufru kufran? Ça veut dire, le kufr, il y a deux formes, hein, ou il y a deux sortes de kufr. Le kufr, les deux formes de kufr, c'est les deux formes générales, et puis après, à l'intérieur de chaque, il y a des différentes sortes. Et donc, le kufr, quand on dit qu'il est de deux, hein, al-kufru kufran, eh bien, il y a le kufr majeur, puis il y a le kufr mineur. Ça, c'est les deux grandes catégories, le kufr majeur et le kufr mineur, le grand kufr et le petit kufr, si on veut. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, « L'imazid al-fa'idati, raji' kitab al-tawhid, le cheikh Salah al-Fawzan, lima'rifati mulakhas al-furuq bain al-kufr al-akbar wal-asghar. » Donc, le cheikh, il donne comme référence le livre de Cheikh Al-Fawzan qui s'appelle Kitab al-Tawhid, dans lequel il résume les différences entre le kufr majeur et le kufr mineur. Bon, sinon, on va lire le texte. Le Cheikh il dit An-naw' al-awwal kufrun yukhriju min al-milla, wa hadha huwa al-kufr al-akbar, wa huwa khamsatu anwa'. An-naw' al-awwal kufr al-takdhib. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والنوع الثاني كفر الإباء, كفر الإباء والاستكبار, كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. والدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والنوع الثالث كفر الشك, وهو كفر الظن, وهو كفر الظن. والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. والنوع الرابع كفر الإعراض, والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والنوع الخامس كفر النفاق, والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Donc on va lire cette partie, on va traduire ça, puis après on va continuer. Donc la première catégorie de kufr, c'est là, parmi les si on veut la grande, les deux grandes catégories, on a dit c'est le kufr majeur et le kufr mineur. Donc la première catégorie c'est le kufr majeur, et le kufr majeur, on peut le définir comme étant le kufr qui fait sortir de la religion. Hein? Et le kufr qui fait sortir de la religion, c'est-à-dire si quelqu'un meurt sur cette forme de kufr, eh bien, il va être en enfer pour l'éternité. Donc, cette forme de kufr, qui est la forme du kufr majeur, elle est divisée en cinq sortes ou cinq catégories. Il y en a même qui disent six. Donc, ces cinq formes de kufr, on va les définir. La première forme, c'est kufr takdhib. Ça vient du verbe en arabe kadhaba yakdhibu ou bien kadhaba yukadhibu. Ça veut dire le fait de traiter de mensonge la foi et la vérité. Donc takdhib, ça veut dire traiter de mensonge la vérité. Donc le kufr, ça peut être aussi, ça peut être par at-takdhib. Ça c'est la première forme, la première sorte de kufr majeur. Et le cheikh il mentionne comme référence par rapport à ce kufr là dans le Coran, la preuve de ce kufr, c'est le verset 68 dans sourate Al-Ankabut. Verset 68 dans sourate Al-Ankabut, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie: et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite la vérité de mensonge lorsqu'elle lui est parvenue? N'est-ce pas que l'enfer suffit comme n'est-ce pas que l'enfer sera le refuge pour les mécréants? Donc ça c'est c'est la première forme de kufr, kufr takdhib, le fait de traiter de mensonge la vérité. La deuxième forme de kufr, c'est kufr al-iba wal-istikbar ma'a at-tasdiq. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le kufr du refus et de l'orgueil, alors que tu crois ou que tu reconnais la vérité. Tu reconnais la vérité, puis après tu refuses de t'y soumettre par orgueil. Et ça, c'est le kufr de Iblis. C'est le kufr du diable, Iblis, Shaitan. Et la preuve, c'est dans le verset 34, dans Sourate Al-Baqarah. Allah Azza wa Jal, il dit: et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Alors ils se sont tous prosternés, excepté Iblis. Il a refusé, s'est enflé d'orgueil, et il fut donc du nombre des mécréants. D'accord? Donc ça veut dire que quelqu'un peut croire en Allah, comme Iblis. Est-ce que Iblis il refusait de reconnaître que Allah existe? Non, il sait que Allah existe, même qu'il reconnaît son existence, il croit en son existence. Sauf que est-ce que il accepte de se soumettre? Il refuse de se soumettre et il est orgueilleux vis-à-vis des ordres d'Allah. Donc, il est devenu mécréant par orgueil et par refus. Même si tu crois en Allah, si tu refuses par orgueil de lui obéir, ça c'est du kufr. La troisième forme de kufr, kufr shak. Aussi, on peut l'appeler kufr dhan. Et ça, c'est le kufr des agnostiques. Ceux qui se disent agnostiques. Agnostiques? En fait, les agnostiques, c'est des gens, ils disent, non, je dis pas que Dieu existe, mais je sais pas, en fait. C'est comme s'ils sont pas sûrs. On dirait que c'est des gens qui sont dans le doute. C'est ça. En fait, les agnostiques, c'est des gens qui sont sceptiques. C'est comme s'ils considèrent qu'ils ne peuvent pas connaître la vérité, comme s'ils doutent que la vérité existe. Donc ils sont, ça c'est du kufr de doute et de dhan, le kufr de on l'appelle kufr shak, c'est-à-dire la mécréance du doute, ou la mécréance de dhan, الظن يعني dans le sens que يعني t'es perplexe, hein, perplexe par rapport à la vérité. Et l'exemple que le cheikh a cité à propos de ce de cet exemple de Kofla, c'est un exemple qui est assez intéressant en fait, parce que c'est un exemple qui est mentionné dans une histoire dans le Coran, dans Surat al-Kahf, le verset 35 à 37. Et c'est une discussion entre deux amis, hein, ou deux voisins, qui se discutent entre eux au sujet de qu'est-ce qu'ils possèdent dans les biens de la dunya. Et puis on va lire l'histoire ensemble. Donc Allah Azza wa Jal, il mentionne dans ces versets-là ce qui signifie, yani, et il entra dans son jardin, coupable envers lui-même par sa mécréance. Et il dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Hein? Il rentre dans son jardin, il a beaucoup de comme c'est de fruits, d'arbres, hein, et de, c'est un cultivateur, tu vois. Et il a un grand jardin, donc il ramasse beaucoup d'argent, beaucoup de fruits. Alors il dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Ça ne peut jamais cesser, je vais toujours être riche avec ce que je récolte. Et il dit, et je ne pense pas que l'heure viendra. Hein? Je ne pense pas que l'heure viendra. Ça dit, je ne pense pas que l'heure du jugement dernier va arriver. Il dit, et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes un meilleur retour que ce jardin. Donc, ça dit que il croit en l'au-delà, mais avec un doute en même temps. En voulant dire, Yanni, je ne pense pas qu'il va avoir un jugement dernier. Et je ne pense pas qu'il y a une vie après la mort. Et je ne pense pas qu'il y a un jugement. Mais si jamais il y en a un, eh bien, j'espère aller au paradis quand même. D'accord? Donc c'est comme les koufars, ils disent ça, c'est des gens, ils prennent la comme les chrétiens, ils disent ça, c'est des gens qui prennent la religion comme une police d'assurance. Au cas où c'était vrai. Tu comprends? Comme si, je suis pas sûr. Hein, quand tu prends une assurance, l'assurance c'est haram en islam, mais c'est juste un exemple, justement. C'est pour dire, je sais pas si je vais avoir un accident, mais si au cas où j'ai un accident, au moins j'aurai l'assurance. Hein? Et donc, eux, ils prennent la foi de cette façon-là aussi. Et je crois pas vraiment en Dieu, et je crois pas vraiment en l'au-delà et au paradis. Mais si jamais je meurs et qu'il y a quelque chose après, bon, au moins, comme ça, je vais aller au paradis. Donc ça, c'est considéré comme du kufr en islam. Pourquoi? Parce que tu peux pas avoir une foi de cette façon-là. Ça, c'est pas considéré en islam comme étant une foi. Il faut que tu sois certain et convaincu qu'il y a une vie après la mort et que c'est la vérité. Tu peux pas être dans le, comme on dit, perplexe. Hein? Et dire, si y a quelque chose, oui, tant mieux, sinon, ben, c'est pas grave. Non. Ta foi doit être, une conviction profonde, une certitude. Alors, la suite des versets, il dit, son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Il dit, quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Donc c'est pour dire, yani, le croyant, quand il dit qu'il croit en Allah et au jour dernier, et au paradis, et à l'au-delà, il faut qu'il y croit avec certitude et non pas avec un doute. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle kufr shak. Une autre forme de kufr, c'est la quatrième, kufr al-i'rad. Kufr al-i'rad. Et qu'est-ce que ça veut dire, Al-I'rad? Ça veut dire le kufr du fait de se désintéresser, de se détourner complètement de la foi. Donc c'est comme si pour dire, yani, tu n'as aucun intérêt pour la religion, ni pour l'apprentissage des fondements de l'islam, ni pour la pratique de l'islam, ni pour rien de ce qui a rapport avec la religion. C'est comme si ça t'est complètement égal. Hein? De connaître ou pas connaître, de pratiquer ou pas pratiquer. Tu te détournes complètement de la religion et de ses fondements et de sa pratique. Alors, ça c'est une forme de kufr. Et la preuve, c'est le verset 3 dans Sourate Al-Ahqaf. Hein, et on l'a mentionné aussi dans les annulatifs de l'islam. C'était le 10e annulatif parmi les nawaqid. Hein, on avait mentionné Al-I'rad. D'accord? On avait dit que Al-I'rad, c'est une forme de kufr. وَالَّذِينَ dans surat Al-Ahqaf, Al-Ahqaf, c'est 46, la surat 46, Al-Ahqaf. Et comme je disais, le kufr dans les nawaqid, le kufr de Al-I'rad, c'est le 10e naqid parmi les nawaqid qu'on avait étudié au début du livre. Et il y a un autre verset aussi que les ulama mentionnent à ce sujet-là, c'est le verset 22 dans Surat As-Sajda. 22 dans Surat As-Sajda. Allah Azza wa Jal, il dit: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Et qui est plus injuste que celui à qui on rappelle les versets de son Seigneur, puis qui s'en détourne? Certes, nous nous vengerons des criminels. Hein? Et l'autre verset qu'on a lu, c'est dans Sourate Al-Ahqaf, le verset 3. Allah Azza wa Jalla dit: et ceux qui ont renié la foi se détourne de ce de quoi on les a avertis, ils se détournent de ce qu'on leur a donné comme avertissement. Donc ça c'est kufrul i'rad. Et la cinquième forme de kufr, c'est kufrul nifaq. Kufrul nifaq, c'est-à-dire la mécréance de l'hypocrisie. Hein? C'est le kufr des munafiqoun. C'est-à-dire ceux qui montrent qu'ils se font passer pour des croyants, mais dans leur cœur, ils renient la foi. Et il cite le verset 3 dans Surat al-Munafiqoun, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: ceci parce qu'ils ont cru, puis ils ont renié la foi et leur cœur a été scellé, alors ils ne peuvent pas comprendre. Donc ça, c'est les cinq formes de kufr. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il mentionne aussi, si je ne me trompe pas, aussi une sixième forme de kufr qui est kufrul jahl. Kufrul jahl, le kufr de l'ignorance. C'est-à-dire le kufr de ceux qui n'ont pas la foi et qui sont ignorants de la foi. Et la preuve qu'ils ont mentionné les ulama à ce sujet-là, c'est le verset dans Sourate At-Tawbah, si je me rappelle bien. Je vais vous dire le verset. Lorsque Allah Azza wa Jal il dit: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Le verset, c'est le verset 6. Dans Surat At-Tawba, Allah Azza wa Jal, il dit: puis, et si l'un des mushrikines te demande asile, alors accorde-le lui, afin qu'ils entendent la parole d'Allah. Puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Ça veut dire que quelqu'un qui sait pas, il n'a pas entendu la parole d'Allah, hein, mais c'est un mushrik, c'est un kafir, malgré son ignorance. Oui. C'est-à-dire, il n'a jamais entendu parler de l'islam, jamais entendu parler d'Allah ou de la religion. Alors, c'est un jahil, donc c'est un kafir, jahil. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les koufars, c'est seulement ceux qui ont rejeté la vérité après avoir su. Or, quelqu'un peut être mécréant sans avoir même su. Parce qu'il y en a qui disent non, il ne faut pas dire que ceux qui ne sont pas musulmans sont des koufars. Les koufars, c'est seulement ceux qui ont connu l'islam puis qui ont refusé ou qui l'ont rejeté après l'avoir connu. Non, ce n'est pas une condition. S'ils sont mécréants, dans le sens, s'ils n'ont pas dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils n'ont pas témoigné de l'islam, ils sont des koufars, même s'ils sont ignorants. Puis après, s'ils entendent parler de l'islam puis qu'ils le rejettent, alors là, ils deviennent des koufars, mais qui ne sont pas ignorants. Mais c'est des koufars quand même s'ils sont ignorants. Ouais, non, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre les koufars ignorants. Il y a des koufars ignorants, même s'ils savent, ils ne vont pas chercher. C'est-à-dire, même si on leur offre, même s'il y a la connaissance disponible, ou la connaissance, elle est là, mais ils ne vont pas la chercher. Et il y a les koufars ignorants, mais qui n'ont pas accès du tout à la connaissance. Ça, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Celui qui a la connaissance, celui qui n'a pas la connaissance parce qu'il ne veut pas savoir, ce n'est pas la même chose que celui qui n'a pas la connaissance parce qu'il veut savoir, mais il ne peut pas l'avoir parce que la science n'est pas disponible. La science n'est pas accessible. Ça, c'est deux cas différents. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, il ne va pas traiter ces deux cas-là de la même façon. D'accord? Parce qu'il y a des gens, par exemple, s'ils voulaient connaître l'islam, ils pourraient. Tout est à leur portée. S'ils veulent le connaître, ils peuvent se renseigner facilement. Ils peuvent demander les questions. Mais ils ne veulent pas. Parce qu'ils sont à l'aise dans leur mécréance. Et ils sont bien dans l'ignorance. Ils ne veulent pas apprendre. Tandis qu'il y en a d'autres, ils veulent apprendre, ils veulent savoir, mais ils ne savent pas parce qu'il n'y a personne pour leur montrer ou pour leur enseigner. Et il y a la connaissance qui n'est pas disponible pour eux. Donc Allah ne va pas les juger de la même façon, ça c'est clair. Donc ça, c'est les formes de kufr majeur. D'accord? Maintenant, le kufr mineur, la deuxième forme, c'est le kufr mineur. Et le cheikh dit: wa naw'u thani min naw'i al-kufr wa huwa kufr asghar la yukhrij min al-millah wa huwa kufr an-ni'mah. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Donc ça, c'est le cheikh, il explique qu'il y a la deuxième catégorie de kufr. Parmi les deux grandes catégories, il y a le kufr majeur, on a expliqué. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est le kufr mineur, qui ne fait pas sortir de la religion. Et c'est kufr ni'ma, c'est-à-dire l'ingratitude envers les grâces que Allah nous donne. Donc c'est le kufr de l'ingratitude. D'accord? Ça, c'est l'explication à propos du kufr mineur. Et le cheikh, il a cité comme verset, le verset 112 dans surat An-Nahl. An-Nahl, c'est la surat 16, c'est dans surat, c'est la surat les abeilles. Donc, le verset 112, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie, et Allah propose une parabole, hein, il propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille, et sa part de nourriture, tranquille, et sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis, elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit alors goûter la, la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Donc ça veut dire que, en réalité, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude et c'est une forme de kufr. Mais c'est une forme de kufr mineur. Et aussi d'autres formes de kufr mineur, dans le sens que il y a des certains péchés que quelqu'un peut commettre qui peut être considéré comme des formes de kufr mineur. Et on va expliquer ça. Pardon. On est arrivé maintenant à l'explication du Cheikh Ahmed al-Najmi. Cheikh Ahmed al-Najmi, il va maintenant clarifier les significations de qu'est-ce qu'on vient de lire maintenant. Donc le Cheikh, il dit « Al-kufru fil-lugha, al-taghtiyatu wa-satru, wal-kufru shar'an diddu l-iman, fa-inna al-kufra adamu l-iman billahi wa rasulihi, sawa'a kana ma'ahu takdhibun, aw lam yakun ma'ahu takdhib. » بل شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة وإن كان المكذب أعظم كفرا وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc le cheikh il explique que le kufr dans la langue arabe, la définition linguistique du mot kufr, c'est at-taghtiyatu was-satru. Ça veut dire le fait de recouvrer quelque chose ou de cacher quelque chose, hein, de voiler quelque chose ou de couvrir quelque chose. C'est ça la définition. C'est pour ça que les cultivateurs, on les appelle kuffar, hein, en arabe. Pourquoi? Parce qu'il plante une graine et il la recouvre avec de la terre. Hein? Ça, c'est la définition linguistique. Mais la définition linguistique, c'est pas la définition religieuse. Il y a des gens qui se basent sur la définition linguistique pour définir le kufr. De la même manière que certains se définissent se base sur la définition linguistique pour définir la foi. Et ça, c'est une erreur. Parce que l'islam, elle est expliquée par le Coran et par la Sunna, et non pas par des définitions linguistiques. Parce que ces définitions linguistiques-là sont préalables à l'islam, ou sont précédentes à l'islam. C'est-à-dire que c'est les définitions des termes tels qu'ils étaient employés avant l'islam, par les Arabes. Mais l'islam est venu rajouter à ces termes-là d'autres significations et d'autres définitions tirées de la révélation du Coran et de la Sunna. C'est pour ça qu'il faut se référer à la révélation pour les définir et non pas uniquement à la langue arabe. Sinon, on tombe dans des graves erreurs. Et beaucoup de sectes ont dévié justement à cause de ça. Le cheikh, il dit ensuite que le kufr dans la religion, sa définition c'est quoi? Il le définit en disant que c'est le contraire de la foi. Donc c'est le kufr. Hein? Le kufr c'est l'absence de foi en Allah et en son messager. Peu importe que cette absence de foi soit accompagnée du fait de renier la vérité ou de traiter la vérité de mensonge. Hein? Il y a aussi une autre forme de kufr que, bon, le cheikh il a dit kufr takdib. Il y a aussi kufr al-juhud. Kufr al-juhud aussi. Le kufr de la négation. Ça, on n'a pas mentionné, mais ça fait partie des formes de kufr majeur aussi. Kufr al-juhud. Mais ça peut rentrer dans le takzib. Donc, c'est al-juhud ou al-takzib. Yani c'est pas des synonymes, mais ça se ressemble. Et donc, Le fait de renier la foi ou de ne pas avoir la foi en Allah et en son messager, ça peut être accompagné de takdhib, le fait de traiter de mensonge, et ça peut ne pas être accompagné de takdhib. Ça peut ne pas être avec le fait de démentir ou de traiter de mensonge. Ça peut être accompagné de doute, hein? Ça peut être accompagné de détournement, le fait de se détourner ou de se désintéresser complètement de la religion. Ça peut être accompagné même de jalousie. Quelqu'un peut tomber dans la mécréance par jalousie. Envers qui? Envers les croyants. Hein? Envers les croyants, comme par exemple les juifs, ils ont refusé d'accepter l'islam, c'est-à-dire ils ont refusé de croire au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par jalousie. Parce qu'ils ont vu que les Arabes ont un prophète, alors qu'eux, ils veulent que le prophète soit seulement parmi les Bani Israël, les fils d'Israël. Ils ne veulent pas que ce soit parmi les autres peuples. Donc, par jalousie, ils refusent d'accepter la foi en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est de la jalousie. Ça peut être aussi par orgueil, comme Iblis, quand Allah Azza wa Jalla lui a dit « Prosterne-toi à Adam ». Lui, il dit « Non, je refuse ». Pourquoi tu refuses? Parce que je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Alors, peu importe de quelle matière Allah t'a créé, il t'a dit de te prosterner, tu dois te prosterner. C'est tout. Pourquoi tu commences à vouloir, tu veux philosopher avec Allah? Tu veux commencer à dire, non, moi je suis meilleur, le feu c'est meilleur que la terre, donc la terre, le feu ne peut pas se prosterner devant la terre. Pourquoi? Hein? Allah t'a dit, fais. Hein? Les anges, ils n'ont pas questionné Allah et son ordre. Ils se sont prosternés direct. Ils n'ont pas dit, ben, nous on est créés de lumière. Et Adam est créé de terre. On est meilleur, la lumière c'est meilleur que la terre. Et les anges n'ont pas dit ça. Hein? Les anges, ils se sont prosternés direct. Mais Iblis, lui, qui était créé de feu parce que c'était un djinn, il a dit, je suis meilleur que la terre. Hein, je ne veux pas me prosterner devant Adam, parce que mon origine de ma création, elle est meilleure que la sienne. Donc ça, c'est des fausses excuses, des faux prétextes. Et c'est l'orgueil, en réalité, qui est à la base de ça. C'est pour ça qu'il est devenu mécréant. Et ça peut aussi être causé par le fait de suivre certaines passions qui obstruent le suivi des messagers. Moi, j'ai rencontré des gens, Je leur ai expliqué l'islam, ils m'ont dit oui, c'est vraiment une belle religion, mais tu sais, ils m'ont dit moi je pourrais jamais me convertir à l'islam parce que j'aime trop manger du porc. Alors à cause de son amour du porc, il refuse d'accepter l'islam. Il y en a d'autres, ils m'ont dit moi j'aime trop la danse, hein, alors je peux pas devenir musulman parce que sinon je pourrais plus danser. Donc, t'imagines quelqu'un qui choisit d'aller en enfer pour l'éternité juste parce qu'il aime manger du porc ou parce qu'il aime danser? Est-ce que ça vaut l'enfer éternel? Mais c'est parce que les gens, ils suivent leur passion, ils ne réfléchissent pas. Nassallallahu alayhi wa sallam nous préserve. Et donc, le cheikh, il dit, c'est sûr que celui qui traite la vérité de mensonge, c'est une forme de kufr qui est beaucoup plus grande. Mais n'empêche que les autres formes de kufr sont très graves aussi. Hein. Et c'est pour ça que celui qui traite de mensonge ou qui démentit la vérité et qui renie la vérité par jalousie, alors qu'il est certain que la vérité, que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des messagers est vérité, eh ben, ça c'est grave aussi. Tu dis le juif, il sait que Allah existe. Il croit que Muhammad c'est le vrai prophète. Allah Azza wa Jalla il dit "Alladhina atainahum al-kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Ceux à qui on a donné le livre, ils le connaissent. Ils le reconnaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. C'est-à-dire ils savent que c'est le vrai prophète, mais ils refusent de vouloir le suivre. Et le cheikh il dit "Wal-kufru yanqasimu ila qismayn." Wal-kufru yanqasimu ila qismayn. Il dit "Al-kufru al-awwal kufrun yukhrij min al-millah wa huwa ay al-kufru al-akbar." Khamsatu anwa. Donc il dit le cheikh, le kufr est de deux sortes. Le première catégorie, c'est le kufr qui fait sortir de l'islam, c'est-à-dire le kufr majeur. Il est divisé en cinq catégories. Donc, on va les lire une après l'autre, parce que là maintenant le cheikh il explique. Donc il y a plus de détails qui vont être expliqués. Donc la première forme de kufr majeur, il dit النوع الأول كفر التكذيب والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أقول التكذيب بالأدلة القاطعة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة وهذا هو كفر التكذيب المخرج من الملة والموجب للخلود في النار والموجب لحبوط العمل لأنه يعد ارتدادا والارتداد يعتبر موجبا لحبوط العمل والخلود في النار والعياذ بالله ككفر أعداء الرسل الذين كذبوا رسل الله عليهم الصلاة والسلام حين جاءوهم بالبينات ومنهم كفار قريش حين كذبوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit la première forme de kufr c'est le kufr de renier, le fait de renier et de traiter de mensonge la vérité. C'est l'exemple qu'il a cité, c'est comme on a dit tout à l'heure le verset 68 dans sourate Al-Ankabut, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite la vérité de mensonge lorsqu'elle lui vient. Et il dit, n'est-ce pas l'enfer, le refuge pour les mécréants? Il dit, le cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, le fait de traiter de mensonge la vérité, et de traiter les preuves tranchantes qui sont tirées du Coran, le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui est authentique, traiter ça de mensonge, c'est considéré comme une forme de kufr, qui consiste à traiter de mensonge la vérité, et ça fait sortir de la religion complètement. C'est-à-dire quelqu'un qui renie la vérité qui est mentionnée dans le Coran ou dans la Sunna, il sort de la religion. Et ça fait en sorte qu'il va être en enfer pour l'éternité, et que ses œuvres vont être vaines et nulles. Et c'est comme s'il a apostasié de l'islam. Et l'apostasie, ça annule les œuvres d'une personne et ça fait qu'elle demeure éternellement dans l'enfer. Wal'iyadhu billah. Comme le kufr des ennemis des messagers qui ont traité de menteur le messager d'Allah, ou les messagers d'Allah, alayhimus salatu wassalam, lorsqu'ils sont venus avec les preuves claires. Et parmi les exemples de ça, les kuffars de la tribu de Quraysh, lorsqu'ils ont renié et traité de menteur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième forme de kufr, on a dit kufr al-iba wal istikbar ma'a at-tasdiq. Istadalla ala dhalika bi kufr iblis alladhi istakbara wa aba an yasjud. Kama qala subhanahu wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. وكان من الكافرين ويمثل له بقوله تعالى في سورة النمل عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فأخبر الله عن فرعون وقومه أن أنفسهم استيقنت صدق موسى عليه الصلاة صدق موسى عليه السلام لما معه من الآيات الدالة على صدقه. Donc le cheikh il explique que la deuxième forme de mécréance est la forme de mécréance qui est le refus et l'orgueil, le rejet de la vérité par refus et par orgueil, avec le fait tout en reconnaissant que c'est la vérité, Donc la preuve que le cheikh a mentionnée, c'était le kouf de Iblis. Iblis, c'est le shaitan. Lorsqu'il s'est enflé d'orgueil, il a refusé de se prosterner. Il a cité le verset 34 dans Sourat al-Baqarah. On a lu ça tout à l'heure. Lorsqu'on dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se sont tous prosternés, excepté Iblis. Il a refusé et s'est enflé d'orgueil. Il a été du nombre des mécréants. Et il a donné comme exemple aussi Pharaon. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, 34. Pardon. C'est le verset 34 dans Sourate Al-Baqarah. Ensuite, le cheikh il explique l'exemple de Pharaon ainsi que son peuple dans Sourate Al-Naml. Allah Azza wa Jal, il mentionne que Pharaon a renié la vérité, alors que en lui-même, il en était convaincu. Donc, il a renié les signes d'Allah avec injustice et orgueil, alors que en lui-même, il était convaincu que c'était la vérité. Et il dit, regarde comment a été la conclusion des gens qui font le désordre et la corruption. Donc ça, c'est le verset 114, c'est le verset 14. Le verset 14 dans Surat An-Naml. Et le cheikh, il dit que Allah Azza wa Jal, il nous a informé que Pharaon ainsi que son peuple avaient en eux-mêmes la conviction que Moussa alayhi salam était véridique, avec les preuves avec lesquelles il est venu pour indiquer sa véracité. Mais ils ont refusé de croire par orgueil. Allah musta'an. Et ça, c'est la réalité de tous les athées. La majorité des athées qui disent qu'ils ne croient pas en Allah, c'est pas parce que, en réalité, c'est pas parce que, disons, ils n'ont pas de preuves comme eux, ils essaient de prétendre. Parce que tout le monde, on a tous une fitra. On a tous une fitra, une nature saine. Et cette fitra, c'est inscrit dedans que Allah existe. Et chaque être humain, il a ça écrit en lui-même dans son âme, qu'il a un créateur et qu'il doit l'adorer. Mais quand l'être humain il est orgueilleux, il renie sa fitra. Donc il va dire avec sa bouche qu'il ne croit pas en Allah, mais dans son âme, au fond de lui-même, il sait que c'est la vérité. Donc c'est pour ça que les ulama ils disent le vrai athée, qui ne croit pas du tout en Allah, ça n'existe pas en réalité. C'est seulement avec la bouche, par orgueil. Parce que tu lui dis, prosterne-toi à Allah, fais la salat, prosterne-toi. Et il dit, non, jamais, je ne veux pas me prosterner. Je ne me prosterne pas devant personne. Je ne veux pas me prosterner ou me rabaisser devant quiconque. Même devant Allah. Donc ça veut dire c'est l'orgueil. L'amstan. La troisième forme de kufr, kufr shak, wa huwa kufr dhan. Wa aqul la yanbaghi at-ta'bir bi dhan, li'anna Allah azza wa jal قال عن قوم من المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إذ إن الظن هو احتمال الراجح، والشك مستوي الطرفين، فلا يعتبر بالظن كتفسير للشك. والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فالتعبير بالظن في هاتين الآيتين المراد به الشك، وهذا ظنه عدم قيام الساعة، أي أن الاحتمال الراجح عنده هو عدم قيام الساعة وعدم وجوده لخير من جنته تلك. Donc le cheikh il explique que la troisième forme de coffre c'est le coffre du doute. Et il dit le cheikh ici il a exprimé ça par le en arabe le terme al-dhan. Al-dhan c'est la possibilité ou la suspicion. Et il dit c'est pas bien d'utiliser al-dhan en réalité ici parce que le terme « dhan » en arabe, il peut avoir deux sens. On l'utilise même pour la certitude. Et la preuve, le verset 46 dans Sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il dit, en parlant des croyants, « Alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un » C'est-à-dire ceux qui sont certains qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et qu'ils vont retourner vers lui. Donc, dans ce sens-là, le terme « dhan » ici, il signifie la certitude, et non pas le doute. Donc, ce n'est pas correct d'utiliser l'expression « dhan » pour qualifier cette forme de kufla. Plutôt, il faut dire « ashak », c'est-à-dire le doute. Parce que « ashak », ça veut dire que les deux possibilités sont à équivalence, que ce soit vrai ou faux. Tu dis, ça peut être vrai, ça peut être faux, et les deux sont 50-50. Donc ça, c'est le doute, parce que tu ne sais pas laquelle des deux est vraie. Tandis que « al-dhan », c'est « yani »« ihtimal al-rajih ». Donc ça veut dire, c'est possible, c'est plus probable que ce soit un que l'autre. C'est ça la différence entre le doute et « shak ». Le doute et al-dhan. D'accord ? Ihtimal al-rajih. En tout cas, le cheikh, il dit, on ne doit pas utiliser al-dhan pour expliquer le doute. Et il mentionne les versets qu'on a lus de 35 à 37, dans lesquels la personne a dit, je ne pense pas qu'il y aura le jugement dernier. Et si jamais il y a un jugement dernier, eh bien, je trouverai meilleur que mon jardin auprès d'Allah. Et donc, cette personne, elle ne croit pas en Allah en réalité. Puisqu'elle a un doute, elle n'est pas certaine qu'elle sera ressuscitée, puis qu'il y aura un jugement. Et ça, c'est du kufr en réalité dans l'islam. Le doute, c'est du kufr. Et c'est pour ça que les kufras, souvent, ils disent l'être humain, il doit douter de tout. Surtout les philosophes, ils disent ça des fois. Ils disent là, l'être humain doit commencer par douter. Et même parmi les gens de kalam, parmi les mutakallimines, il y en a qui disent la première obligation, c'est de douter. Puis après, une fois que tu as douté, tu dois bâtir par-dessus ta foi. Mais ça, c'est batil, ça c'est faux. Il ne faut pas bâtir sa foi sur le doute. Au contraire, il faut bâtir sa foi sur la certitude. Et donc, tu commences par l'appel à... La première obligation, c'est de témoigner de la ilaha illallah et de croire. Parce que de toute façon, la foi, elle est basée sur la fitra. À la base, ta foi, ta fitra, elle est là. Donc, la reconnaissance de l'existence d'Allah, c'est quelque chose qui est un détail qui existe déjà en toi. Tu n'as pas besoin de preuves pour l'établir en réalité. Et si tu as besoin de preuves pour ça, eh bien, il y en a tellement de preuves dans la création, hein, en toi-même, et dans les cieux, la terre, les animaux, la nature. Tout ce qui existe, c'est un signe de l'existence d'Allah et de sa toute-puissance, de sa sagesse, de sa volonté, et également de yani, du fait que yani, il est omniscient et qu'il a tous les attributs de perfection et qu'il est miséricordieux, hein, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh il explique qu'il y a une autre forme de kufr. Et c'est le kufr de Al-I'rad, la quatrième catégorie de kufr. On a mentionné parmi les formes de kufr majeur, c'est kufr Al-I'rad, c'est-à-dire le fait de se détourner complètement de la foi et de la religion. Et le cheikh, il dit qu'il y a deux sortes de I'rad, hein, il a mentionné le verset. Il dit « وَالدَّلِيلْ قَوْلُهُ تَعَلَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ » Il dit « وَأَقُولْ » الإعراض ينقسم إلى قسمين إعراض كلي وإعراض جزئي فالإعراض الكلي هو الموجب للكفر وأما الإعراض الجزئي فهو محرم أيضا ولكن قد يصل بصاحبه إلى الكفر وقد لا يصل به. Donc ici, on a expliqué, le cheikh, comme on a expliqué pour, dans les annulatifs de l'islam, que le kufr de Al-I'rad, c'est-à-dire de se détourner de la foi, il cite le verset 3 dans surat Al-Ahqaf, « Ceux qui ont mécru se détournent de ceux, qu'on les a, de ceux dont ils ont été avertis. » Et il dit que ça peut être deux catégories d'I'rad, de détournement. Tu peux te détourner de façon complète, et tu peux te détourner de façon partielle. Et qu'est-ce qui fait sortir de l'islam et qu'est-ce qui est une forme de kufr majeur? Ça, c'est de se détourner complètement de la religion, de ses fondements, de son apprentissage, de sa pratique, et ainsi de suite. Mais si c'est un détournement partiel de certains éléments de la religion, mais qui n'est pas général, à ce moment-là, ça se peut que ça c'est quelque chose qui est considéré comme étant haram. Mais c'est pas nécessaire que ça va être quelque chose qui va faire tomber quelqu'un dans le coffre. Ça peut l'amener au coffre, mais ça peut ne pas non plus l'amener au coffre. D'accord? Ça dépend de l'élément que la personne a, de laquelle elle s'est détournée. Puis la dernière catégorie que le cheikh a mentionnée, c'est kufrun nifaq. Kufrun nifaq, c'est-à-dire la mécréance de l'hypocrisie. Et le cheikh, il dit « وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ قَوْلُهُ تَعَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَالنِّفَاقُ هُوَ إِظْهَارُ الْإِسْلَامِ وَإِبْطَانُ الْكُفْرِ فَمَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامُ وَأَبْطَنَ الْكُفْرِ فذلك هو النفاق أو ذلك هو المنافق نفاقا اعتقاديا وهو مستحق للعذاب والخلود في النار ونعوذ بالله من ذلك بل المنافقون متوعدون بالدرك الأسفل من النار ونسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit que la cinquième catégorie de kufr, c'est le kufr d'hypocrisie. Et il dit le verset 3 dans Surat al-Munafiqun, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie ceci parce qu'ils ont cru, puis ensuite ils ont renié la foi, alors leur cœur a été scellé et ils ne peuvent pas donc comprendre. Et le nifaq, c'est le fait de montrer l'islam et de cacher la mécréance. Donc celui qui laisse paraître qu'il est musulman, mais qui cache dans son cœur sa mécréance, c'est un munafiq. Et son nifaq, son hypocrisie, est une hypocrisie dans la croyance. Et il mérite pour cela le châtiment et l'enfer éternel dans l'au-delà. Na'udhu billahi min dhalik. Il dit même que les hypocrites sont menacés d'être dans les profondeurs les plus basses de l'enfer. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il dit, et la deuxième catégorie de kufr, c'est le kufr mineur. Wa huwa kufrun asghar. لا يخرج من الملة. Ça ne fait pas sortir de la religion. وهو الكفر العملي. Il dit c'est le kufr dans les actions. وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا ولا تصل إلى حد الكفر الأكبر مثل كفر النعمة وقتال المسلم وحلف والحلف بغير الله. Il dit c'est une forme de kufr qui ne fait pas sortir de l'islam et c'est un kufr dans les actions, contrairement au kufr du cœur. Et il dit, bon, le kufr du cœur, c'est un kufr majeur. Mais le kufr des actions, ça peut être majeur parfois et ça peut être mineur. D'accord ? Cette distinction entre le kufr des actions et le kufr du cœur, elle n'est pas toujours précise. Donc il faut savoir que le kufr du cœur, c'est le kufr majeur, à moins que ce soit l'ingratitude. Et le kufr, les kufrs des actions, eh bien ça peut être majeur, ça peut être mineur. Comme quelqu'un, par exemple, qui se prosterne devant une statue ou une idole, ça c'est du kufr majeur. Ou quelqu'un qui tue un prophète, ou bien qui insulte Allah, son messager, ou quelqu'un qui piétine le Coran intentionnellement, ou qui, ça c'est du kufr majeur, mais c'est des kufrs d'action, mais majeur. Ok, le cheikh il dit donc que le kufr mineur, c'est aussi un kufr. En fait, c'est le kufr mineur, c'est un kufr d'action. Et il dit, dans le cas des kufrs mineurs, c'est des péchés qu'on fait et qui ont été nommés dans le Coran et dans la Sunna comme étant du kufr. Sauf que c'est des péchés, c'est pas de la mécréance, ça fait pas sortir de la religion. D'accord ? Et c'est pour ça que des fois, les ulama, ils disent ça, c'est kufr duna kufr, ou bien kufr asghar. Comme par exemple, celui qui juge par autre que la loi d'Allah, sans le rendre halal, et qui considère que c'est un péché, et qui sait que c'est incorrect de faire ça. Ça, c'est du kufr mineur. Et les khawarij, eux, ils font pas de différence entre le kufr majeur et le kufr mineur. Toutes les formes de kufr sont majeures pour eux. C'est pour ça qu'ils font sortir de l'islam quelqu'un qui fait des péchés. C'est ça qui est grave. Donc, le cheikh, il dit, le kufr mineur, donc ça n'atteint pas le degré du kufr majeur. Et il donne comme exemple le fait de renier les grâces d'Allah. Ça, c'est de l'ingratitude. Mais c'est pas nécessairement ça ne fait pas sortir de la religion. Le fait de combattre les musulmans. Si un musulman il se bat contre un autre musulman, ça c'est du kufr. Mais c'est pas un kufr majeur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qitalul muslim, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Il a dit d'insulter le musulman, c'est une perversité. Et de le combattre, c'est du kufr. C'est du kufr mineur. C'est du kufr mineur. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran que si deux groupes de croyants se combattent l'un l'autre, alors faites la réconciliation entre les deux. C'est la preuve que ce ne sont pas des mécréants. Parce qu'il a dit, il les a appelés des croyants. Et il a dit à la fin, innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Fa'aslihu bayna akhawaykum. Faites la réconciliation entre les frères. Donc c'est la preuve que le combattre d'autres musulmans, c'est pas nécessairement quelque chose qui fait sortir de l'islam, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé kufr. D'accord ? Il y a aussi le fait de jurer par autre qu'Allah. C'est du kufr, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Naam. Si Et qui se frappent, deux musulmans qui se frappent, qui s'insultent, ouais.